Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Suzy et mon gros loup, le mystère AZF. Nous sommes en 2004. Pendant plusieurs mois, un groupe terroriste menace l'État de faire exploser des bombes sur le réseau SNCF. Le nom de cette organisation, AZF. Rien à voir, pourtant, avec la catastrophe de l'usine toulousaine 3 ans plus tôt qui avait fait 31 morts. Non, rien à voir, hormis la menace de nouvelles explosions que seule la remise d'une rançon doit empêcher. Mais qui se cache derrière ces 3 lettres et ce chantage? Pendant des mois, sous les ordres du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, toutes les polices de France traquent ces malfaiteurs dont on ne comprend pas s'ils sont de dangereux amateurs ou des professionnels excentriques. Leur canal de communication avec la police en atteste, sous forme de messages cachés dans des petites annonces du journal Libération, avec comme nom de code Suzy pour les enquêteurs, mon gros loup pour AZF. Mais qui oserait faire planer une menace aussi grave de façon aussi pittoresque? Mystère, car ce groupe AZF ne laisse aucune trace derrière lui. Une énigme qui aura vécu pendant 14 ans. Notre invité aujourd'hui, Hervé Lafranque, ancien patron de l'Office central pour la répression du banditisme. Il est l'un des principaux enquêteurs de cette affaire AZF. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Lundi 1er mars 2004, Paris, aux premières heures de la journée. Les touristes, qui ont le courage de se lever suffisamment tôt pour être les premiers arrivés à la Tour Eiffel, ont la surprise de voir des dizaines d'hommes leur griller la priorité. Des policiers et des démineurs ont ce matin-là une mission rarissime, fouiller la Tour Eiffel, des pieds à la tête, escaliers, ascenseurs et jusque dans ses moindres recoins, à la recherche d'une bombe. Au même moment, à une dizaine de kilomètres dans les Yvelines, la base aérienne de Villacoublay a rarement été aussi fréquentée. Le patron du RAID, le patron du GIGN, celui de la Division Nationale Antiterroriste et celui de l'Office Central pour la Répression du Banditisme, entre autres grands flics de France, sont assis à la même table. 400 agents de leur service et des BRI de tout le pays sont répartis dans 130 voitures postées à 220 km à la ronde. Un avion AWACS de l'armée de l'air est prêt à décoller à tout instant, escorté par un Mirage 2000. Ces radars traquent le moindre mouvement aérien suspect. Sur le tarmac, un hélicoptère attend. À son bord, 2 gros sacs marqués Banque de France. Chacun pèse 25 kilos et à l'intérieur, des liasses de billets de 100 dollars cachent un GPS. Pendant ce temps, au QG, on attend avec anxiété un appel qui doit enclencher l'opération. On ne sait pas qui doit passer cet appel, ni à quelle heure cela doit se passer. On subodore simplement. Au bout du fil, ce devrait être une voix de femme dont on ne connaît que le maigre signalement suivant. Environ 35 ans, cheveux bruns, 1m60. L'avant-veille, les lecteurs du journal Libération ont peut-être lu les petites annonces dans les dernières pages. On y lit qu'il se vend un appartement porte de Pantin, une maison dans le Luberon et qu'on recherche une babysitter à Paris. Bien. Mais il y a aussi, camouflé entre ces lignes anodines, le message suivant. Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles. L'oiseau blanc s'envolera lundi depuis le point indiqué. Parlons-en, Suzy. Combien savent que cette annonce a été envoyée par le ministère de l'Intérieur? Que mon gros loup est le pseudo d'énigmatique maître chanteur et que l'oiseau blanc est un hélicoptère censé transporter 4 millions de dollars et 1 million d'euros en coupure de sang? En tout cas, c'est en ce lundi 1er mars 2004 que doit se jouer l'épisode final d'une affaire qui empoisonne toutes les polices de France depuis des semaines et qui les oblige à fouiller la Tour Eiffel. Une affaire commencée quelques mois plus tôt par la réception d'une lettre. Mesdames, messieurs, Afin d'éviter toute surprise et une dangereuse incrédulité de la part des services concernés lors du début effectif de notre campagne, par la présente, nous vous informons de la prochaine entrée en scène du groupe AZF, sommairement présentée ci-dessous. Nous vous conseillons vivement de vous convaincre du caractère particulièrement sérieux des injonctions qui vous seront bientôt faites sous le nom d'AZF, et de prendre dès aujourd'hui toutes les mesures nécessaires pour que nos courriers soient transmis sans délai à des responsables que vous voudrez bien désigner. La présente missive risquant de n'être pas prise au sérieux est non pas par mégalomanie, ni même pour désigner une quelconque personne physique, mais par simple souci d'efficacité adressée à la fois à la présidence de la République et au ministère de l'Intérieur. Drôle de courrier tout de même que celui qui arrive à l'Élysée Place Beauvau le 11 décembre 2003. En entête, trois lettres noires soulignées par une flèche AZF. Oui, AZF, comme l'usine qui a explosé à Toulouse. Pourtant, il n'est pas question de la catastrophe de septembre 2001, non. La lettre parle d'autre chose, sur deux pages, structurées en sept parties. Une première intitulée « Qui sommes-nous ?» explique, je cite, « qu'AZF est un groupe de pression à caractère terroriste ». À la rubrique « À quel but final voulons-nous contribuer ?», on apprend qu'AZF dénonce, je cite encore, « un système économique dévoyé, des États hypocrites et fortement totalitaires » ou encore « un enseignement réducteur destiné à former des êtres soumis plutôt que créatifs ». La lettre, toujours aussi mystérieuse, se termine par les mots suivants. Que dira-t-on de M. Ben Laden dans quelques décennies ? À très bientôt, signé le porte-parole d'AZF. Des menaces en vrac, une logorée qui emprunte à d'autres groupes terroristes, à l'Élysée comme à l'intérieur, cette lettre ne provoque pas autre chose qu'un haussement de sourcils, après tout. Un coup de tampon et qui rejoint dans un carton les centaines d'autres menaces que l'État a reçues et qui, toutes, n'ont été que de paroles en l'air. Et l'année 2003 se termine sans incident. Bref, la lettre est oubliée depuis un mois et demi, quand le 29 janvier 2004, l'Élysée et l'Intérieur en reçoivent une deuxième. Mesdames, messieurs, excusez-nous d'être restés silencieux, plusieurs paramètres mal évalués nous ayant entre-temps incité à repousser les opérations de quelques semaines. Nous confirmons aujourd'hui la nécessité pour vos services de prendre immédiatement en compte chacun de nos prochains courriers et de les transmettre sans délai à qui de droit. Le type d'action en cours de mise en œuvre ne tolérant aucun retard ni report de délai. Des terroristes qui s'excusent de ne pas avoir donné de nouvelles. AZF est d'emblée un gros puisqu'il a part. Mais le grotesque de la situation est terni par des projets beaucoup plus inquiétants. Parce qu'AZF dévoile ses plans. Une série de bombes, est-il écrit, est répartie sous le réseau ferré français et en deux autres postes particulièrement sensibles. La seule façon de les retrouver est donc de livrer une rançon. Dès réception de la contribution financière, dit la lettre, AZF communiquera un tableau comportant les coordonnées géographiques de tous les emplacements piégés et promet de disparaître à jamais. En guise d'exemple, deux lignes de coordonnées sont fournies. L'une indique la tour Eiffel, l'autre Rotonde, là où ont été signées la fin des combats au bénéfice de la France en 1918 et à celui de l'Allemagne en 1940. Mais pourquoi ces deux endroits ? Aucune explication. En revanche, il est précisé la façon dont l'État doit entrer en contact avec AZF. Il doit faire paraître une annonce dans le journal Libération, un message codé qui dit « Mon relou, ne prenons pas de risques inutiles, le plus tôt sera le mieux. Donne-moi tes instructions, Suzy. » Suite un numéro de téléphone que le ministère doit activer. AZF donne toujours dans l'étrange, mais pas cette fois aux menaces. Le 17 février, réunion d'urgence au ministère de l'Intérieur. Les patrons de la police nationale, des RG et de la lutte antiterroriste sont convoqués par Claude Guéant, le chef de cabinet du ministre. Human Bomb à Neuilly en 93, prise d'otage du vol Paris-Alger, traque d'Ivan Colonna, Guéant est un habitué des affaires périlleuses. C'est lui qui va piloter l'enquête, au nom du ministre Nicolas Sarkozy, qui lui aussi s'assied ce jour-là à la table de la cellule de crise. Décision est prise de saisir le parquet de Paris et d'entrer en contact avec AZF. Un commissaire se rend au journal Libération. Chez les journalistes, c'est d'abord la perplexité. Je préférerais que ce soit une blague, leur dit le commissaire. Mais on ne peut rien laisser au hasard. Après concertation, Libération accepte. Antoine de Godemard, directeur de la rédaction, témoigne aux 20h de France 2, deux semaines plus tard. Personne ne se doutait, et moi le premier, que c'était une affaire de cette sorte dont qu'il s'agissait. C'était, comment voulez-vous, personne n'en parlait, personne n'avait entendu parler. Le secret le plus total était entouré cette affaire. Les policiers n'avaient pas marqué non plus une vigilance particulière. Ils nous avaient parlé, ils nous avaient expliqué. Si en plus ça avait été quelque chose, ils nous l'auraient fait dans notre dos, à la limite, sans nous prévenir. Donc voilà, personne n'y a cherché malice à l'époque. Le 19 février, la drôle d'annonce paraît donc dans Libération. Deux jours plus tard, une nouvelle lettre arrive. « En remerciement de votre pragmatisme, dit AZF, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de celles des bombes qui doivent s'activer la première et les premières. Suivent une latitude et une longitude qui indiquent une localisation en Haute-Vienne, 40 km au nord de Limoges. » Alors, des agents de la Division nationale antiterroriste et des démineurs avancent prudemment le long des rails jusqu'au point indiqué par AZF. Là, deux flèches ont été marquées à la peinture sur l'une des traverses. À l'endroit exact qu'elles désignent, les démineurs extraits, cachés sous des grosses pierres du ballast, un tupperware. Ils l'ouvrent avec précaution. À l'intérieur, il y a effectivement une bombe. Mais une bombe, comme ils en ont rarement vu. Un procédé mécanique assez sophistiqué permet en effet à l'engin d'exploser un jour donné, mais seulement à l'approche d'un train dont les vibrations enclenchent le mécanisme. Un engin qui, à première vue, n'a pu être conçu que par des connaisseurs. Les démineurs la font exploser dans une base militaire. Elle décroche un morceau de rail de 35 kilos qu'on retrouve 70 mètres plus loin. Alors là, AZF ne fait plus rire du tout, parce que le groupe est capable de faire dérailler un train. Et il se paie le luxe d'expliquer la façon d'éviter un drame. Votre contribution au côté pacifique de notre action. 4 millions de dollars US en coupure usagée de 100 dollars, plus 1 million d'euros en coupure usagée de 100 euros. L'ensemble réparti par moitié dans deux sacs, type sac postaux. Mode de livraison. Un hélicoptère léger biplace civil sera chargé de la livraison par largage à très faible altitude en un lieu qui sera précisé ultérieurement par téléphone. Les sacs seront suspendus sous l'hélicoptère par tout procédé permettant un largage rapide et précis. Afin d'informer AZF que vous êtes prêt à effectuer la livraison, sous un prétexte quelconque, posez l'appareil au sommet de la tour Montparnasse, où il restera visible jusqu'au signal de départ. C'est une constante chez AZF. À peine commence-t-on à les prendre au sérieux qu'ils recommencent à verser dans le style pied nickelé. À tel point que les enquêteurs ne savent pas quoi penser d'une demande aussi invraisemblable. Mais enfin, qui peuvent y être ces gens dont le plan semble si travaillé mais dont les demandes sont aussi absurdes? D'abord, s'agit-il de terroristes ou de maîtres chanteurs? Les Basques et les Corses ont l'habitude de frapper d'abord, de parler ensuite. Les islamistes revendiquent à chaque fois. Alors les enquêteurs excluent immédiatement la piste du terrorisme politique. Les propos d'AZF pourraient faire penser à des sectes ou des groupes altermondialistes. Mais ils sont décousus et paraissent plutôt camoufler le véritable objectif, l'argent. Les enquêteurs imaginent alors une piste, probablement la plus difficile à remonter, celle d'individus isolés. Piste d'autant plus complexe que les lettres et les enveloppes ne comportent aucune trace d'ADN connue, ni d'empreinte. Reste donc, pour avancer, à travailler sur le profilage. On imagine un groupe resserré. L'auteur des lettres serait plutôt un homme. Pas un illuminé, non, plutôt quelqu'un de méticuleux, d'éduqué aussi, et à tendance mégalo. La bombe, elle, laisse penser qu'il y a un artificier qui sait très bien ce qu'il fait. Et pourquoi ce nom AZF, au fait ? Certains font remarquer que si on change A, Z et F par les trois lettres qui suivent dans l'alphabet, on obtient B, A, G. Et qu'en anglais, B, A, G, bag, veut dire sac. Sac, comme le service d'action civique, les barbouzes de la 5e République au service d'officines gaullistes. Dans le genre capillotracté, d'autres notent que si l'on prend les positions des lettres dans l'alphabet, on trouve 1, 26 et 6. Or, 1 plus 26 plus 6 égale 33. L'âge du Christ au moment de sa mort. Ce serait donc un coup des apôtres de l'Apocalypse. En réalité, ces élucubrations sont la preuve que les enquêteurs n'ont aucune piste et donc pas grand-chose à dire. La seule stratégie est donc de maintenir le contact, de planifier nos remises de rançon pour forcer AZS à découvrir et surtout de tout faire pour que cette affaire mal embarquée ne s'ébruite pas. Dansez, nous dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça. Le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser, au bord du cratère. Ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Au bord du cratère. Aujourd'hui, Suzy Mongroulou, le mystère AZF. France Inter, affaires sensibles. Lundi 23 février 2004, bureau de la division nationale antiterroriste, il est 17h44. Un téléphone sonne, mais ce n'est pas une ligne habituelle. C'est une nouvelle que la police a mise en place 5 jours plus tôt. C'est la ligne AZF. On fait silence dans la pièce, un enquêteur décroche. Au bout du fil, la voix d'une femme. Elle ne parle que quelques secondes, juste le temps de dire « De la part d'AZF, il faudrait vous dépêcher ». L'annonce dans Libération a été publiée 4 jours plus tôt. Il n'y a toujours pas d'hélicoptère sur la tour Montparnasse, le signal qui signifie que la rançon est prête. Alors AZF s'impatiente. Mais pour des raisons de sécurité, un hélicoptère ne peut pas stationner sur la tour Montparnasse. Pour assurer la réussite, écrivent les enquêteurs dans une nouvelle annonce de Libé, l'oiseau doit s'envoler ailleurs. Alors AZF rappelle. On se met d'accord sur un autre point de départ, la base de ville à Coublay. On localise l'endroit duquel l'appel a été passé. C'est une cabine, dans la ville de Meaux. Et on trouve un témoin qui donne de cette femme un début de signalement. 1m60, environ 35 ans, brune, rien de plus précis. De leur côté, les enquêteurs planifient la remise de rançon. Ce sera le seul moment pour attraper AZF, il ne faut pas se rater. 6 services de police et de gendarmerie collaboreront pour l'opération commandée par le patron du raid et par celui de l'Office central pour la répression du banditisme. On mobilise un hélico, un avion AWACS, un Mirage 2000 et un autre avion des douanes. 4 millions de dollars en billets de 100 ont été demandés à la Banque fédérale américaine et discrètement embarqués sur un avion de ligne. Mais ils ne seront pas tous placés dans les gros sacs demandés par AZF, non. D'autres billets, des faux ceux-là, cacheront un GPS. L'opération doit avoir lieu le 1er mars. Ce jour-là, la tour Eiffel est intégralement fouillée par précaution, AZF ayant donné ses coordonnées dans l'une de ses lettres. Mais rien n'y est trouvé. Et à la base de Villa Coublay, dans une ambiance tendue, on attend l'appel d'AZF. Les heures passent, le jour petit à petit décline. Il est 17h20 quand le téléphone sonne enfin. « Allez à l'aérodrome de Montargis, au pied de la Manche à air, dit la voix habituelle, et grattez les cailloux. » Le jeu de piste commence. Les voitures les plus proches filent à l'aérodrome, l'hélicoptère décolle. Il arrive à Montargis quelques minutes plus tard. La directrice de l'aérodrome témoigne sur France 2. Lundi, en fin d'après-midi, vers 17h, nous avons vu un hélicoptère se poser sur notre aire à signaux, rester stationnaire. Le pilote est descendu, allé jusqu'à la manche à air, à chercher, ramasser quelque chose et repartir. Mardi après-midi, nous avons eu la police antiterroriste qui est venue interroger les membres du club pour savoir ce qui s'était passé, si on avait remarqué des allées-venues anormales. Et vous avez remarqué quelque chose ? On a vu des voitures qui stationnaient, qui n'avaient pas lieu d'être. Sous la manche à air, ce gros ballon rouge et blanc qui donne le sens du vent, il y a une lettre dans laquelle AZF donne ses instructions pour la suite. Suivre quelques kilomètres vers le sud en bout de piste. À proximité de l'autoroute, une bâche bleue est tendue sur le sol. Il larguait les sacs et dégageait vers Vélizy. L'hélico redécolle donc à la recherche d'une bâche bleue. Alors que le soleil est déjà couché et que les dernières lueurs faiblissent, il survole l'autoroute en scrutant les alentours. Au fil des kilomètres, la visibilité se réduit sans qu'aucune bâche ne soit repérée. Il est 19h30, il fait presque nuit noire, l'hélico a cherché sur 15 kilomètres sans rien trouver. Alors le QG met un terme à l'opération. C'est un échec, d'autant que la bâche est retrouvée le lendemain à 19 kilomètres de là. Alors, comment va-t-on réagir côté AZF ? Les enquêteurs craignent aussi que la presse, 2 semaines après la première petite annonce publiée dans Libé, commence à comprendre quelque chose. Difficile de mobiliser autant de moyens sans éveiller la curiosité des journalistes. Le Parisien a déjà contacté Claude Guéant et des agents sont tombés sur Paris Match alors qu'ils étaient en planque. Alain Accot, journaliste chez Europe 1, raconte sur le plateau d'Arrêt sur Image quelques semaines plus tard. Pour ce qui concerne Europe 1, nous avions l'information depuis... Depuis un certain temps, il y avait un avion à Ouax, il y avait des hélicoptères, c'était extrêmement lourd, des centaines de policiers mobilisés, ce qui explique d'ailleurs que l'information nous revienne. Nous, les spécialistes qui fréquentons à longueur d'année les policiers, quel que soit leur grade et quel que soit leur service, l'information nous revient. Le vendredi, j'ai cette information sur le dispositif. Le samedi, après avoir consulté, si j'ose dire, quelques contacts privilégiés, j'appelle le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Claude Guéant. Et je lui dis, voilà ce que je sais, je suis assez responsable pour imaginer qu'il n'est pas nécessaire de le donner tout de suite, que ça peut effectivement torpiller l'enquête en cours, l'éventuelle remise de rançon qui est prévue le 1er mars. Problème. À la suite de l'échec de la remise de rançon, l'irruption de la presse risque de troubler les négociations, en effet. AZF avait indiqué qu'en cas de tromperie, il resterait silencieux pendant 15 jours. Or, il ne faut surtout pas perdre le contact. Le ministre procède alors à une technique inédite. Le lendemain de l'opération, toutes les grandes rédactions de France reçoivent un fax, parfois accompagné d'un appel de Claude Guéant en personne. Il est exact, dit ce communiqué, que des courriers sont parvenus au ministère émanant d'un groupe qui se désigne sous l'appellation AZF. Le ministère demande à la presse d'être discrète afin de ne pas gêner ses contacts. Le gouvernement fait ainsi peser la responsabilité sur les épaules de la presse. Désormais, s'il y a fuite, l'échec sera imputé aux journalistes. En cette fin de journée de 2 mars 2004, toutes les rédactions débattent jusque tard dans la nuit. Que faut-il faire ? Dévoiler qu'il y a un risque d'attentat ou obéir au gouvernement pour laisser les enquêteurs travailler dans de bonnes conditions ? Étonnamment, toutes les rédactions aboutissent à la même conclusion. Ne pas publier d'informations. Toutes les rédactions, sauf une, la Dépêche du Midi. Le propriétaire de ce journal, c'est Jean-Michel Baillet, sénateur du Parti Radical. Imaginez, dit-il à ses rédacteurs en chef, qu'on sache et que ça saute sans qu'on publie. Non, assumons, publions. Guéant a beau tenter de le convaincre, on ne prend pas nos ordres place Beauvau, répond Baillet. Alors, le mercredi 3 mars à l'aube, l'article de la Dépêche facilite le travail de la presse de tout le pays. Une fois l'information publiée, toutes les autres rédactions peuvent suivre sans risque. L'AFP publie une dépêche à 7h09, donnant pour de bon le feu vert à tous les médias. Les Français apprennent alors, 2 semaines après le début des tractations, que des poseurs de bombes ont piégé le réseau SNCF et que l'État négocie en passant par les petites annonces de Libé. Chantage à l'attentat sur le gouvernement français, une mystérieuse organisation AZF, c'est son nom, réclame une rançon et affirme avoir disposé 10 engins explosifs sur des voies ferrées. Un groupe mystérieux qui porte le nom de l'usine AZF menace de perpétrer des attentats sur le réseau ferré français si le gouvernement ne lui verse pas une rançon de plusieurs millions d'euros. À Toulouse, réaction d'usagers de la SNCF ce matin, Sylvain Dolande et Paul-Étienne Zanne. La nouvelle s'étale à la une sur 6 colonnes. Mais dans la gare Matabiau, tous les voyageurs ne sont pas encore au courant de la menace qui pèserait sur le réseau ferroviaire français. Eh bien, moi, j'en ai entendu parler. Et alors, vous en pensez quoi ? Eh bien, que je vais à Bordeaux et que je ne voudrais pas sauter. Ce mercredi 3 mars, alors que l'affaire sort, dans les petites annonces de Libération paraît un nouveau message. Mon gros loup, pas vu ton foulard bleu, fais-moi signe, Suzy. À 14h02, chez les enquêteurs, le téléphone AZF sonne. Au bout de la ligne, c'est l'AFP. 20 minutes plus tard, c'est Europe 1. L'heure d'après, c'est France Inter. Les négociations avec AZF sont fortement compromises, alors que des bombes peuvent faire dérailler des trains à tout moment. Nicolas Sarkozy prend la parole. Une information judiciaire a été ouverte auprès de 2 juges antiterroristes. L'ensemble des services de police et de gendarmerie sont mobilisés à chaque instant sur cette affaire, avec un seul impératif, la sécurité de chacun de nos compatriotes. La police et la gendarmerie souhaitent pouvoir travailler dans la discrétion afin de se donner le maximum de chances pour préserver la sécurité des Français. Qu'il me soit permis d'exprimer un seul vœu, c'est qu'on nous laisse travailler. Jeudi 4 mars 2004, 10 000 cheminots parcourent dans toute la France des 32 500 km de voies ferrées du réseau SNCF à la recherche d'anormalités. Mais pourquoi la SNCF, qui était au courant depuis la découverte de la bombe, entame-t-elle ses recherches si tard ? Du côté des enquêteurs, on travaille maintenant sous la pression de l'opinion et sans compter sur le canal de Libération, désormais grillé. On prie simplement pour qu'aucune bombe n'explose avant qu'AZF ne reprenne contact. Et c'est le 11 mars qu'une nouvelle lettre arrive. La rançon augmente. Le groupe demande 1 million d'euros supplémentaires, toujours à livrer par hélicoptère, mais depuis un autre endroit. Globalement, conclut AZF, ne finançons plus, s'il vous plaît. Avant d'indiquer en pied de page, papier, enveloppe et mise en page sont légèrement différents, car l'un de nous s'est malheureusement un peu affolé. Tiens donc, y aurait-il des défections chez AZF ? Ce même 11 mars 2004, tôt le matin, entre 7h30 et 7h40, des bombes explosent dans des gares. Mais ces attentats n'ont pas lieu en France et ne sont pas signés AZF. Bonjour, attentat en gare de Madrid, édition spéciale du 13-14 de France Inter. 4 bombes explosent à quelques minutes d'intervalle. Ce matin, le dernier bilan communiqué fait état de 173 morts. Le gouvernement espagnol pointe l'ETA, mais la piste Al-Qaïda est également évoquée. Un drame qui survient 3 jours avant les législatives. En Espagne, les partis politiques suspendent la campagne électorale. José María Aznar demande à tous les Espagnols de se rassembler ce soir. France Inter. 192 morts et 1858 blessés, signé Al-Qaïda. On sait maintenant les dégâts que peuvent causer des bombes disposées sur un réseau ferré. Et peut-être ces événements remuent-ils AZF. Peut-être, en regardant les images des cadavres, des corps mutilés et des familles en pleurs, ces terroristes amateurs voient-ils comme dans un miroir ce qui les attend au bout de leur mégalomanie criminelle. Eux qui s'étaient demandé dans leur première lettre ce qu'on pensait d'eux et ce qu'on penserait d'eux dans 10 ans et de Ben Laden. Autant de malheurs répandus pour une poignée de millions, peut-être qu'AZF, avec les attentats de Madrid, y regarde maintenant à 2 fois. Mais ce qui est certain, c'est qu'après une 2e tentative avortée de remise de rançon, l'Élysée et l'Intérieur reçoivent, 14 jours après, la dernière lettre d'AZF. Mesdames, Messieurs, Afin de remettre les pendules à zéro, tant les vôtres que les nôtres, nous devons porter à votre connaissance les éléments suivants. Il n'y a à ce jour plus de bombes en état de fonctionner sur le réseau ferré français. Fort de l'expérience acquise ces dernières semaines et désormais conscient de ses faiblesses technologiques, logistiques et autres, AZF suspend son action durant le temps nécessaire pour y remédier. Sans rancune, et à bientôt. Le porte-parole d'AZF. Voilà, AZF ne s'est plus jamais manifesté, disparaissant soudainement comme il était apparu, signant par ces mots absurdes, sans rancune, et à bientôt. Mais AZF évaporé, ce n'est pas pour autant que les enquêteurs arrêtent de le traquer. Sans beaucoup plus de pistes d'ailleurs qu'au premier jour. Le signalement extrêmement vague d'une femme, 3 minutes d'appel téléphonique qui n'indique pas grand-chose, et pas d'empreinte, répétons-le, ni de trace ADN. Tour à tour, des professeurs de chimie, des membres de communautés sectaires, des associations d'extrême droite, des clients de magasins de bricolage ayant acheté une bâche bleue, des employés de la SNCF, des proches de victimes de l'usine AZF, une piste en Allemagne, une autre en République tchèque. Les enquêteurs ouvrent des dizaines de portes et, faute de preuves, les referment tout aussitôt. L'année 2004 s'écoule, les services reprennent leur activité normale et l'enquête AZF petit à petit s'arrête. Elle tombe dans l'oubli jusqu'en juin 2018, 14 ans plus tard. Pour réclamer de l'argent à l'État via les petites annonces, il se faisait appeler « mon gros loup ». Après 15 ans d'enquête, une commerciale de 56 ans et son patron de 70 ans reconnaissent les faits. C'est dans cette petite entreprise de traitement d'eau de Lyon qu'ils auraient échafaudé leur projet. Mais au moment où AZF apparaît, le chef d'entreprise a de grosses difficultés financières, selon son ancien propriétaire. En 2003-2004, on était en conflit, puisqu'il ne payait plus son loyer. Donc il y avait des problèmes d'endettement. À première vue, il avait des difficultés dans son entreprise, donc il ne pouvait plus se libérer de salaire ou choses comme ça, donc il était exempt en trésorerie. En attendant leur procès, il semble que tout ait commencé dans une petite ville de Lyon, effectivement, du nom de Champsevray. C'est là qu'une usine de traitement d'eau, dirigée par un homme qui avait alors une cinquantaine d'années, a fait faillite. La faute, selon cet homme, à un client qui lui aurait fait un sale coup. Un Toulousain. Tiens donc. Toulouse, AZF. Le chef d'entreprise en question est dangereusement endetté et fou de colère. Envahi par la rage, il en veut non seulement à cet homme, mais aussi à la ville d'où il vient, au train par lequel il est venu le voir et à tous ses autres passagers. Alors, avec certains de ses employés, eux aussi sur la paille, il échafaude un plan. Récupérer de l'argent en faisant chanter l'État. Aidé par sa commerciale, une femme de 35 ans, 1m60, cheveux bruns, il met en place ce projet délirant à l'organisation méticuleuse. Lui, l'ingénieur, ne laisse rien au hasard. Et avec un autre de ses employés, un soudeur, il conçoit les bombes. Puis, pour une raison qu'on ne connaît pas, tout s'arrête. Et AZF ayant été précautionneux, le patron, la commerciale et le soudeur poursuivent leur vie comme si de rien n'était. Mais tout organisé, prudent et prévenant qu'ils aient été, les membres d'AZF ne pouvaient pas prévoir que 14 ans après leur méfait, un chagrin d'amour remettrait la police sur leurs traces. Il se trouve que l'ancienne commerciale avait tout dit à son amant. Or, elle l'a quitté. Et le problème, c'est qu'il a tout répété à la gendarmerie. C'est bien connu. Il arrive que des affaires se résolvent sous l'oreiller. I like the way you France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mystère AZF. Notre invité, Hervé Lafranque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien patron de l'Office central pour la répression du banditisme, de la brigade anti-gang de Marseille, et surtout l'un des principaux enquêteurs de l'affaire AZF. Vous êtes ce qu'on appelle un grand flic. Vous avez été confronté à cette affaire, qui est tellement mystérieuse quand on la raconte et qu'on ne connaît pas la fin. On s'est dit, mais où on va? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc j'imagine que pour vous, ça n'a pas été facile. Quand vous entendez tout ça, ça vous renvoie à des souvenirs précis et forts, j'imagine. Oui, très fort. Très fort dans la mesure où on était, enfin j'étais et nous étions insatisfaits de ne pas avoir terminé notre job, de ne pas avoir pu les arrêter. Bien sûr. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est sur l'oreiller que finalement la solution a été trouvée. Et tant mieux d'ailleurs qu'on en sache un peu plus. Et toutes les élucubrations qu'il y a pu y avoir au cours ou après l'enquête qui nous ont été assénées ont pu trouver aussi une fin. Enfin, ça se termine plutôt bien finalement. Oui, alors vous n'aviez pas d'intime conviction, j'imagine, puisque tout était tellement si flou. Mais est-ce que vous aviez quand même, vous, personnellement, une hypothèse privilégiée au fil du temps? Là aussi, vous l'avez exprimé. Toutes les pistes classiques de l'antiterrorisme au banditisme ou peut-être même au grand banditisme avaient été explorées. Toutes les portes qu'on avait pu ouvrir avaient été. Alors, avant de venir, évidemment, j'ai relu un peu tout ce qui avait été fait ou tout ce qui était sorti dans la presse et je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait fait des dizaines, des centaines, et peut-être même des milliers sur certains points de recherche, notamment au niveau téléphonique, au niveau testimonial, des témoins qu'on avait pu revoir. Enfin, c'est un travail considérable qui a été fait par la Division nationale antiterrorisme et il n'en sortait rien. Ouais. Donc, ça laissait... En tout cas, penser qu'on n'avait pas affaire à des gens que je vais qualifier de classiques, même si leurs agissements ne le sont pas. Mais c'était pas des gens classiques qui pouvaient faire ce genre de choses. Et on était quelques-uns à partager le fait que ça ne pouvait venir que d'un noyau complètement coupé du reste, complètement coupé du banditisme et autres classiques, encore une fois. Ce qui était la bonne piste, d'ailleurs. C'était la bonne piste, mais tellement, tellement éthérée. Eh oui. Tellement éthéré, éparpillé, divers. Voilà, là aussi vous avez parlé, c'était 1m60, cheveux bruns. Il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Et le profilage qui avait pu être fait était, quand je l'ai encore relu ce matin, là, qui avait été fait du ou des AZF ou des gens qui participaient, en tout cas, était bon. Mais là aussi, il pouvait déboucher sur plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Donc c'était trop fumeux, si je puis le dire ainsi, pour qu'on arrive à quelque chose de direct. Bien sûr. Direct. Donc, un chef d'entreprise, une commerciale, un soudeur, vous ne pouviez pas imaginer ça, j'imagine. L'imaginer, alors peut-être pas avec autant de précision, mais imaginer qu'ils étaient dans la vie classique, oui. Imaginer qu'ils essayaient de... Ce qui ressortait quand même, c'est qu'il y avait une... Je vais dire une dent, mais je pense qu'ils en avaient plusieurs contre l'État. Ça paraissait assez évident. Enfin, il y en a beaucoup aujourd'hui. On le voit encore ce jour, par exemple. Est-ce que quand on est au cœur d'une enquête aussi compliquée que celle-là, il y a parfois des moments un peu de découragement? Non. Non, aucun moment de découragement, parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est la recherche, c'est la sorte d'envie d'aller plus loin, d'envie de comprendre, d'envie de trouver, et puis on y arrive quand même relativement souvent dans ces types d'enquêtes. Donc non, de découragement non, mais d'être un peu lassé, d'abord ça a duré longtemps, parce qu'on a continué à travailler bien après le 1er mars, et bien après même le dernier lien, ça a duré encore des semaines sur le terrain et des mois dans les enquêtes. Plusieurs années d'ailleurs. Donc c'était plutôt... on était un peu là sur certains points, mais du découragement, non. Non. Autrement, on ne fait pas ce métier. Bien sûr. Alors, bien qu'inconnus, les membres des AZF ont été finalement assez professionnels. Et pour vous, ce qui devait être difficile, c'est que la forme des revendications, Suzy, mon gros loup, ça paraissait un peu surréaliste, un peu pied-niquelé, un peu grotesque. Et en même temps, le coup du tupperware qu'on retrouve avec une bombe qui explose effectivement, qui est bien faite. Hein. Cette contradiction-là devait être difficile à gérer pour vous. Des professionnels d'un côté et des gens bizarres de l'autre. En fait, on ne cherche pas à gérer des contradictions, on cherche à avancer sur des faits précis, à les examiner plus objectivement possible, en tout cas. Ce qui a été en fait le point déclencheur, le point explosif, si vous voulez, c'est que à partir du moment où il nous décline l'endroit où peut se trouver une bombe et qu'elle va s'y trouver, qu'ils nous la donnent pour, ils nous disent allez voir là pour démontrer d'une certaine façon leur sérieux. Tout va basculer en fait au moment lorsque la bombe va être testée sur un ballast et sur des rails. Et où on voit effectivement ce foutu rail sauter à plus de 40 mètres et puis détruire complètement la voie. Là, on n'est plus dans du fantasmagorique, on n'est plus dans des pieds nickelés, on est dans des gens qui sont susceptibles de faire ça. Vous n'avez pas insisté beaucoup là-dessus, mais c'était intéressant aussi. C'est la façon dont le retardeur de l'explosion. Ça explose de façon programmée avec les vibrations du train. Si on l'a dit. L'avez dit, mais vous avez. Il y avait un point crucial aussi, c'est que le fait c'était une temporisation possible de 31 jours. Avec une montre, enfin je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y avait une possibilité sur 31 jours, donc ils pouvaient installer effectivement des bombes sur sur le nombre de bombes qu'ils voulaient, modulo la difficulté matérielle de le faire, et puis les laisser tranquilles, puis bouger à partir du moment où ils avaient déclenché leur chose. Donc c'était très compliqué d'arriver à les prendre aussi à ce moment-là. Vous est-il arrivé dans votre carrière d'avoir à gérer un dispositif de police et de gendarmerie aussi gigantesque que celui-là? Par exemple, c'est mobilisation générale. Non, c'est sa première et la dernière fois, heureusement d'ailleurs, parce que c'est d'une complexité assez phénoménale et puis une pression assez redoutable. Mais non, c'était la seule fois que j'ai eu à le gérer avec autant de monde et autant de moyens. On écoute Louise Attaque, La Frousse, et on se retrouve juste après. Il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien. Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donner aux eaux, il n'y aura pas de moi. J'ai la frousse du moindre petit retard. Dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir. De ne plus sauter dans les flaques. L'espoir de perdre le fil détaché. De vivre à côté, que tout soit gâché. La frousse de faire le moindre mètre. Sans aimer, empêcher, disparaître. La frousse du moindre petit mot. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. J'ai la frousse de voir ce qu'il faut voir. Combien le jour quand t'arrives le soir. La frousse de me réveiller dans le noir, de ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La frousse du moindre petit geste, d'être empêché, remplacé, disparaître. La frousse de la moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La frousse de la moindre goutte d'eau, qui arrive de la mer, du ciel, oui d'en haut. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Je regarde la terre, je regarde en bas. Je vois toutes nos frontières, je ne les comprends pas. Je regarde en l'air, je regarde les toits. Et je m'imagine juste tout près de toi. Si la frousse me fond dans le brouillard, du moindre détour des autres, du hasard. La frousse de perdre la mémoire. De ne plus courir sous la pluie dans le square. La fourre au moindre petit mois. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. France Inter. Affaires sensibles. Aujourd'hui, le mystère AZF avec notre invité Hervé Lafranc. Je rappelle que vous êtes ancien patron de l'Office central pour la répression du banditisme et que vous étiez l'un des principaux enquêteurs de cette affaire AZF. Il y a une hypothèse qui paraît intéressante. Donc, au moment des faits en France, des faits d'AZF, il y a donc l'attentat de Madrid qui fait presque 200 morts. Et là, on voit l'horreur que peut provoquer une bombe placée sur des rails. Est-ce que vous pensez que ces trois-là se sont dit « Non, on va trop loin, faut arrêter ». Est-ce que ça tient ? C'est possible, mais je pense que là, personnellement, je pense que ils ont pris une décision avant. Maintenant, ça a pu les conforter dans la décision de rester à l'écart de tout ça. C'est indéniable, avoir un tel désastre, une telle catastrophe provoquée n'a pu que les conforter là-dedans. Mais je pense qu'ils ont pris, sinon peur, en tout cas, ils ont pris leur décision certainement avant. Alors, ça c'est un point de détail, mais pourquoi pas ? Après tout, vous avez dû penser à plein de choses. AZF avait demandé aux enquêteurs de publier des annonces dans l'IB et avait attribué surtout à la police le pseudonyme de Suzy. Dans Suzy, il y a un S, un Z et un Y. Y avait-il un lien avec le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, dont le nom porte aussi un S, un Z et un Y ? Faudrait leur poser la question. Hein. Bon, ben d'accord. Moi, je pense que ça a pu être fait par des filles, vraisemblablement, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, enfin, je sais pas. Bon. En tout cas, l'affaire a eu lieu en 2004. Oui. Nicolas Sarkozy se préparait. Tout le monde le savait pour l'élection présidentielle de 2007. Toute la presse a suivi ses faits et gestes pendant 3 ans sans recul. Mais enfin bon. Ressentiez-vous dans cette affaire une pression politique particulière ? À une pression. Très franchement. À une pression, oui. Énorme pression. Ouais. Alors politique, enfin en ce qui me concerne, c'était pas politique, c'était plutôt technique. Quand on se retrouve comme ça au centre d'une affaire comme celle-ci, avec des décisions à prendre sur le à chaud, avec autant de monde sur le terrain et puis une obligation de résultat quasiment, il y avait une forte pression. Alors, si la pression n'était pas politique, si elle était professionnelle, l'affaire AZF illustre aussi les rapports assez singuliers qui existent parfois entre la police et les journalistes. Alors justement, cette pression de la presse, comment vous l'avez vécue ? Bah, à partir du moment où ça a été, où l'affaire est sortie dans la presse, ça devait être très compliqué d'agir, pour nous d'agir avec encore plus de... Avec une discrétion. Oui, de discrétion, voire de sérénité. C'était encore plus compliqué. Ça l'était déjà avant, mais là, ça devient très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait sollicité le fait d'essayer de retarder au maximum la publication de cette info, pour qu'on puisse tenter, autant que faire se peut, interpeller ces oiseaux-là en flagrant délit au moment où ils venaient récupérer l'argent ou ce qu'on leur présentait comme étant l'argent. Alors, on l'a dit, le ministère de l'Intérieur a donc, 2 semaines après le début des négociations, envoyé un communiqué aux principales rédactions en France, dévoilant l'affaire, mais alors, leur demandant de ne pas la publier. Et donc, seule la Dépêche du Midi a refusé cette demande. On va écouter Jean-Christophe Gisbert, directeur à l'époque de la rédaction de la Dépêche, expliquer cette décision. Il répond à Daniel Schneiderman sur le plateau d'Arrêt sur Image. Alors première chose, qu'est-ce qui vous a déterminé à passer outre à la recommandation quand même très ferme du ministère de l'Intérieur qui appelait la presse à la responsabilité ? Mais le sens des responsabilités précisément. On a eu un vrai débat au sein de la rédaction et bien sûr on a consulté le directeur de la publication, Jean-Michel Baillet, pour dire voilà, on a ces informations, qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit la chose suivante. Soit la menace est sérieuse et à ce moment-là il y a un vrai risque... Et il faut donner l'information, soit elle n'est pas sérieuse, mais on n'a pas les moyens de vérifier qu'elle ne le soit pas. Donc, que fallait-il faire ? Cacher la vérité à nos lecteurs, qui sont au passage d'ailleurs des voyageurs de cette ligne Paris-Toulouse. Moi, la réflexion qu'on a eue a été de se dire, mais finalement, si on ne donne pas l'information et que ça pète... on aura D'accord. sur la conscience la responsabilité de ne pas avoir donné cette information. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Chacun sa logique, la logique de la police, la logique de la presse. Exactement. Rien de plus. Sinon, évidemment, j'étais pas très enclin à comprendre. Enfin, à comprendre, si. Je comprends son discours et je comprends ça. Je comprends ses choix. À les accepter, c'est autre chose. Quand on est dans une démarche d'enquête et dans une démarche pour essayer d'interpeller des gens qui vont justement ou qui peuvent réellement porter atteinte à d'autres personnes dans ces conditions-là, voilà, c'était quelque chose qui nous a semblé à ce moment-là très difficile. Vous avez eu des journalistes au téléphone qui vous ont posé des questions? Qu'est-ce que vous disiez? Personnellement, non. Ou en tout cas, si j'en ai eu, je ne me souviens pas directement. Enfin, mais je ne crois pas que j'ai eu des journalistes à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui ont essayé de passer par d'autres canaux. Ben, mes collègues qui étaient avec moi, le patron du RAID ou à la direction de la police judiciaire, il y a eu pas mal d'échanges. Les questions étaient relativement simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez confirmer que, etc., etc., etc. Et là, on avait dressé un petit mur, quoi, pour dire, on peut pas vous le dire, on peut pas aller beaucoup plus loin, etc., etc. Ce qui, d'ailleurs, pour l'État, était une prise de risque véritable, hein, puisque effectivement, il pouvait y avoir une explosion ici ou là. La dernière lettre d'AZF est arrivée à la fin du mois de mars 2004. Mais l'État, en réalité, a reçu d'autres lettres, quelques mois plus tard, elles aussi signées AZF. Ouais. Vous savez ce que disaient ces lettres? Alors, il y a eu une autre affaire AZF que j'ai traitée aussi au ministère de l'Intérieur, mais qui était une affaire qui concernait des chantages, ce qu'on appelle des chantages alimentaires. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que des personnes vous demandent des fonds, sinon ils vont polluer ou empoisonner des produits qui sont vendus dans la grande distribution, des choses comme ça. Il y a eu une mais cette affaire-là, si vous parlez de celle-ci, enfin si c'est celle-ci ressort, n'a jamais été rapprochée, en tout cas par le mode opératoire et par la façon dont ça a été vraiment tenté, puisque ça n'est resté. Ils ont pollué un produit, mais enfin c'est sorti dans la presse d'ailleurs à l'époque. Mais il n'y avait aucun rapprochement qui était fait de près ou de loin avec la première affaire AZF. Je pense qu'ils ont tenté d'utiliser le nom. Le label, quoi. Voilà, cette sorte de label, effectivement. Alors, ils auraient fait chanter 9 grandes entreprises, ouais. Coca, Bell, Nestlé, Danone, je ne sais pas toutes, ouais. Et menacé d'empoisonner leurs produits si une rançon n'était pas versée. Ouais. Vous avez personnellement reçu les PDG de ces grandes entreprises, ouais. Qu'est-ce ouais. que vous leur avez dit? C'était quoi les recommandations? Moi, j'avais des recommandations de policiers, j'avais des recommandations en leur disant d'abord qu'il ne fallait pas payer. C'était pas du tout la garantie que ça mette fin au chantage, et puis ensuite d'essayer d'utiliser la presse à ce moment-là, en expliquant qu'ils étaient tous, parce qu'ils représentaient à E9, alors je sais plus exactement le pourcentage, mais 80 ou 90% de ce qui se produisait sur les produits les plus importants, en tout cas pour les concitoyens, et d'expliquer ce qui est en train de se passer. Alors autant quand ça arrive à une société, elle peut en subir toutes les foudres. Quand ça arrive à plusieurs sociétés et qu'elles peuvent prendre la parole en disant ben voilà, on nous fait chanter, on résiste au chantage, sachez-le, etc., etc. Mais ils n'ont jamais voulu, évidemment, ils n'ont jamais voulu suivre ces belles préconisations théoriques. Et on a eu des débats très très très très animés. Il y en a même qui voulaient payer. Et personne n'a payé quand même, si? Non. Au bout du compte? Non. Vous voyez comme vous êtes, hein. Vous dites, là, on sert de la presse pour diffuser l'information, ouais. Mais la presse, on la rejette quand ça ne nous arrange pas. Mais ils savent se servir de nous, monsieur. Ils savent se servir de nous aussi. Oui, j'espère au moins que ce soit à égalité. Donc, pour vous, on sera à la dernière question un peu personnelle, il reste quelques secondes. Dans l'ensemble de votre carrière, on peut dire que c'est quelque chose qui vous a marqué, peut-être même le moment de votre carrière le plus significatif, le plus frappant. J'ai eu d'autres moments très très très difficiles, beaucoup plus difficiles que ça, parce que c'est d'autres moments, mais c'est un moment frappant et qui compte pour moi, oui, effectivement. Hervé Lafranque, merci de nous avoir fait partager vos souvenirs, merci et donner vos précisions autour de cette affaire au début mystérieuse, et puis qui finissent effectivement sur 3 lambda, finalement, c'est ça au bout du compte. Exactement. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Suzy et mon gros loup, le mystère AZF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.